Je jure que je n'ai plus pensé qu'à toi. Je n'ai pensé qu'à toi. Madonna, Madonna, là-bas tu passais toujours sans me voir. Tu marchais dans tes bottes de cuir noir, toujours un parfum derrière toi, Madonna. Et moi j'étais amoureux fou de toi, je ne pensais qu'à toi. Je n'ai plus.